근데 إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on va continuer inshallah le hadith الثاني qui est connu sous le nom de hadith de Jibril dans le 40 al-Nawawiyya. Et on s'était arrêté sur, on avait vu le dernier point, c'était la définition de l'islam. Qu'est-ce qui peut me donner la définition de l'islam ? Soumission à Allah. La définition de l'islam. Se soumettre à Allah. La définition de l'islam. Définition de l'islam. Je dirais adorer Allah, sur le fait d'associer, accomplir la salat, s'acquitter de la zakat, Donc là, Barakloufik, la définition de l'islam que tu as donnée, ça c'est ce qui est mentionné dans le hadith de Jibril. Moi je veux la définition générale de l'islam. Ma'anat al-islam al-am. L'obéissance par le prophète, pure, s'associer à Allah, la soumission, l'obéissance, et désaveu. Désaveu, voilà, Barakloufik, ce sont ces points-là que je voulais. Donc l'islam, c'est l'istislam lillahi bit-tawhid, wa l'inqiyad lahu bit-ta'a. L'islam, c'est la soumission à Allah par le pur monothéisme. Ça, c'est la définition générale. C'est-à-dire, dès qu'on vous dit, quelqu'un il vous dit c'est quoi l'islam, vous donnez une définition générale, c'est celle-là. C'est la soumission à Allah par le pur monothéisme. La suggestion et l'obéissance, parce que ça va te mener à cela, à Allah Azza wa Jal. D'accord. Et le troisième point, le désaveu du polythéisme et de ses adeptes. Donc le premier point, donc la définition, elle a trois points. La soumission à Allah par le pur monothéisme. Le deuxième point, la suggestion et l'obéissance à Allah. Troisième point, le désaveu du polythéisme, de l'associationnisme et de ses adeptes. Ça, c'est la définition générale de l'islam. Et lorsque on dit définition générale de l'islam, c'est directement ce qui vient dans « La ilaha illallah ». D'accord ? Si on comprend « La ilaha illallah », on sait retrouver la définition générale de l'islam. D'accord ? Et de ses adeptes. Et comme on le verra, celui qui dit « La ilaha illallah » mais qui ne fait pas de désaveu du shirk, le shirk en arabe c'est l'associationnisme, c'est-à-dire invoquer ou adorer quelque chose d'autre en dehors d'Allah, celui qui ne fait pas le désaveu de l'associationnisme, son islam n'est pas valide. D'accord ? L'islam n'est pas valide. Et le sang et les biens de l'individu qui ne se désavoue pas de l'associationnisme, ne sont pas préservés. L'islam préserve le sang et les biens. Et également, dans quel cas le sang et les biens d'un mécréant sont préservés ? Ouais. S'il y a un pacte. Barakallahu fik. Lorsqu'il y a un pacte qui s'instaure entre les musulmans, d'accord ? Un exemple de pacte. La carte d'identité, le visa, d'accord ? Tu rentres dans un pays, là, tu rentres sous un pacte, d'accord ? C'est-à-dire qu'il t'est interdit de nuire ou de faire quelque corruption que ce soit avec le pays dans lequel tu es rentré. Ou bien, par exemple, tu es dans un pays musulman et un touriste vient, rentre dans ce pays-là. Il rentre avec une autorisation du pays musulman. Donc ça, c'est un pacte. Donc lui, son sang et ses biens sont préservés. D'accord ? Et de toute façon, et en général même, il est interdit, même pour le mécréant, pour lequel le sang et les biens ne sont pas sacrés, il est interdit de les toucher. Parce que c'est au gouverneur musulman qui tient les rênes et la gouvernance de son pays et qui l'ordonne à son armée s'il a décrété un jihad. C'est seulement dans ce cas-là où est-ce qu'il faut rejoindre l'armée alors du pays musulman. Mais comme ça, c'est pas par exemple comme on voit avec les attentats et tout cela. Là, ce sont des gens qui trahissent des pactes. Ils tuent des innocents, ils tuent des gens, ils tuent d'accord ? Ça ne fait pas partie de l'islam, ça. D'accord ? Donc, Barakallahu fik Bakran, c'est exactement ça. C'est lorsqu'il y a un pacte qui s'instaure. D'accord ? On s'était arrêté à ce point-là. فَذَكَرَ أَنَّ الْإِسْلَامِ قَالَ الشَّيْخ صَالِحَ الْفَوْزَانِ حَفِظِهُ اللَّهِ فَذَكَرَ أَنَّ الْإِسْلَامِ خَمْسَةُ أَرْكَانٍ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا هذه الأركان الظاهرة. Donc ce sont les piliers apparents de l'islam, ce sont les cinq piliers que notre frère avait mentionné. D'accord? Benjamin, et rappelle-moi Giovanni Baraklofi, que le frère Giovanni Baraklofi avait mentionné. Là, ce sont les cinq piliers qui sont apparents. Et donc, j'allais commencer en fait l'explication de Cheikh Mohamed Amin al-Jami, rahimahullah. Il y a des fawaïd qui sont très intéressantes. Donc il dit le Cheikh, hafidhahullah, dalla hadha al-hadith ala anna al-a'mal, a'mal al-jawarih wa qawl al-lisan, yuqalu laha al-islam. Donc il dit ce hadith-là de Jibril, le hadith numéro 2 de Jibril. Qui c'est qui a le livre hein? Tu peux nous lire le hadith, Inch'Allah, pour rappeler, Inch'Allah, aux frères. D'après Omar, radiallahu anhu, un jour, alors que nous étions assis auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se présenta un homme vêtu d'habits d'une blancheur resplendissante et aux cheveux très noirs. On ne pouvait distinguer sur lui aucune trace de voyage, alors que personne d'entre nous ne le connaissait. Il prit place face au prophète. Il place ses genoux contre les siens et posa les paumes de ses mains sur ses cuisses. Et lui dit, « Ô Muhammad, informe-moi sur l'islam. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit alors, « L'islam consiste en ce que tu témoignes qu'il n'y a de divinité digne d'adoration en toute vérité qu'Allah, et que Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, est le messager d'Allah, que tu accomplisses la prière rituelle, verse la zakat et jeûne le mois du ramadan. » et que tu effectues le pèlerinage à la maison d'Allah si tu en as les moyens. D'accord. Ensuite. Ouais, inchallah. Son interlocuteur lui répondit, tu as dit vrai. Et nous, de nous étonner qu'il l'interroge pour ensuite l'approuver. Puis il reprit, informe-moi sur la foi, l'iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répliqua, la foi consiste en ce que tu crois, en ce que tu dois croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes, au jugement dernier. Tu dois croire encore au destin, qu'il te soit favorable ou défavorable. L'homme lui dit encore, tu as dit vrai. Et il reprit, informe-moi sur la bienfaisance, l'ihsan. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui répondit, la bienfaisance consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, certes, lui te voit. L'homme lui dit encore, informe-moi sur l'heure, c'est-à-dire le jugement dernier. Et le prophète lui répondit sur l'heure du jugement, celui qui est interrogé n'est pas plus savant que celui qui le questionne. Là-dessus, l'homme lui dit, mais informe-moi sur ces signes précurseurs. Et le prophète lui répondit, ce sera lorsque la servante engendrera sa maîtresse, lorsque tu verras les va-nu-pieds, ceux qui vont nus, les miséreux, les bergers, se concurrencer dans les constructions de bâtisses de plus en plus hautes. L'homme dessus partit. Je demeurai là un long moment. Puis le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, « Ô Omar, sais-tu qui m'a interrogé ?»« Non, répondis-je. Allah et son envoyé sont plus savants. Cet homme était l'ange Jibril, alayhi wa sallam. Il est venu pour vous enseigner votre religion, rapporté par Muslim. » D'accord. Donc ça, pour résumer très rapidement ce qu'on avait vu concernant ce hadith-là, et puis les audios, ils sont sur le site internet, vous pourrez réécouter, Inch'Allah. Vas-y, Inch'Allah, parce que ça ne fonctionne pas avec l'ordinateur, donc c'est bon. Barakallofik. Et donc... Tu leur as dit pour les livres que ça vient... Inch'Allah, les livres, ouais, ils arrivent la semaine prochaine, Inch'Allah, parce qu'ils arrivent que lundi, là. Donc, Barakallofik, on avait vu différents points, on avait vu qu'il y a l'islam qui englobe tout, ça fait un effet pyramidal. Ensuite, c'est l'iman, et ensuite, c'est l'ihsan. Il y a moins de personnes au niveau de l'ihsan. Aqall al-nas fil darajat al-ihsan. L'islam, akthar al-nas. Donc, islam, iman, ihsan. Donc, ça fait en fait comme la pyramide. C'est-à-dire qu'il y a plus de monde qui sont dans l'islam. Ensuite, il y a en termes de iman, et ensuite, il y a en termes de ihsan. Et on va justement voir... Aujourd'hui, en fait, les différences qu'il y a entre l'islam et l'iman. D'accord ? C'était mentionné dans le hadith que Jibril, alayhi salam, était arrivé en forme d'un homme. D'accord ? Et on avait vu qu'il n'y a que deux fois où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a vu l'ange Jibril sous sa forme réelle. D'accord ? Il n'y a que deux fois. Les autres fois, donc, il arrivait sous la forme d'un homme. La raison pour cela, c'est que parce que s'il arriverait avec sa forme réelle, alors qu'il est venu pour leur enseigner l'islam, eh bien, tout le monde aurait peur et aurait fui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même avait eu peur de Jibril lorsqu'il l'a vu dans sa forme réelle. D'accord ? Donc ça, ce sont les quelques points. Et puis, vous pourrez réécouter, Inch'Allah, dans le détail, Inch'Allah, ce qu'on avait vu. Bi'innillah, barakallahu fikum. Donc, voilà ce que dit donc le Cheikh Mohammed Amil Jami, rahimahullah. Wa alaykum salam wa sallam. Il dit, « Dalla hadha al-hadith ala anna al-a'mal » أعمال الجوارح وقول اللسان ويقال لها الإسلام. Ce hadith prouve que les œuvres des membres, hein, et la parole avec la langue, les œuvres des membres et la parole avec la langue, c'est l'islam. D'accord ? Et il redonne la définition qu'on vient de voir. الإسلام هو الاستسلام والانقياد أن ينقاد العبد لأوامر ربه أمرا ونهيا قولا وفعلا هكذا فسر بما سيأتي من ذكر الإيمان. Donc il dit l'islam, eh bien c'est la soumission à Allah, la sujétion, c'est-à-dire que tu te soumets, tu obéis, toi en tant que serviteur aux ordres d'Allah, aux ordres de ton Seigneur. Ce qu'il a ordonné, ce qu'il a interdit, par la parole et par les membres. Tu agis comme cela, par la parole et par les membres, d'accord ? Et c'est comme ça qu'a été expliqué l'iman, comme on verra, inshallah. التلفظ بالشهادتين قد يكون اسلاما اسلاما مؤقتا. Donc il dit le fait que Cheikh Mohammed Amil Jami, rahimallah, il dit quoi ? Il dit. Eh bien, prononcer les deux attestations de foi, ça peut être un islam qui est un islam périodique. D'accord ? Il va le dire pourquoi. Ay, idha da'awna kafiran, yahoudiyan, aw nasraniyan, aw majusiyan, aw almaniyan, aw marxiyan, aw boudiyan, aw hundukiyan, da'awnahu lal-islam, faqala ashhadu an la ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah, فيجب الكف عنه حتى لو أراد الإنسان من قبل أن يقتله احتراما وتقديرا لكلمة الإسلام وكلمة الإيمان. Donc là, il dit le Cheikh Mohammed Amil Jami, rahimahullah, il dit, donc celui qui prononce les deux attestations de foi a un islam, d'accord ? Là, c'est un islam qui est périodique. Lorsque on invite un kafir, un mécréant, qu'il soit juif ou chrétien, ou le majous, l'adorateur du feu, d'accord ? Ou bien le laïc, ou bien le marxiste, ou bien le bouddhiste, ou bien l'hindou. Lorsqu'on l'invite à l'islam, et qu'il se met à dire, donc tous ces types de mécréants-là, lorsqu'on l'invite à l'islam et qu'il se met à dire, je témoigne, ça veut dire quoi la ilaha illallah en fait ? Nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, si ce n'est qu'Allah. Donc, et qu'il témoigne de la ilaha illallah, je témoigne nulle divinité, mais comme ça, Allah. Nulle divinité ne mérite l'adoration, toute vérité excepté Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, il dit alors, il est obligatoire de le préserver, de ne pas yani, l'offenser ou lui faire quoi que ce soit, d'accord ? Même si l'individu voulait le tuer avant, d'accord ? Il était dans une bataille, il voulait le tuer, mais là il dit « La ilaha illallah » et il témoigne que « La ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah » alors il est obligatoire d'arrêter, d'accord ? Par respect à la parole de foi qu'il a prononcée, d'accord ? Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme dans le hadith qui est rapporté par Abi Hurayra radiallahu anhu, « Man qala la ilaha illallah » وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ. Quiconque témoigne que nulle divinité ne mérite l'adoration en toute vérité, excepté Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, et mécroit en ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens deviennent sacrés, et son jugement revient à Allah. D'accord ? Donc, s'il le prononce sans se désavouer de ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens ne sont pas sacrés. S'il le prononce, s'il l'a compris, il sait ce que ça veut dire, la ilaha illallah, il sait ce que ça veut dire, wa anna Muhammad Rasulullah, mais il ne se désavoue pas du shirk et du kufr, son sang et ses biens ne sont pas sacrés. S'il accepte ce que ça veut dire, d'accord ? S'il accepte ce que ça veut dire, la ilaha illallah, wa anna Muhammad Rasulullah, mais ne mécrois pas en ce qui est adoré en dehors d'Allah, son sang et ses biens ne sont pas sacrés. D'accord ? Parce qu'il faut, barakallahu fik, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Wa kafara bima yu'abadu min dunillah » Donc le kufr bittaghut, « Wa kafara bima yu'abadu min dunillah » Si cette partie-là, il a mécru en ce qui est adoré en dehors d'Allah, si l'individu ne mécroit pas en ce qui est adoré en dehors d'Allah, eh bien, la ilaha illallah ne lui est pas bénéfique. D'accord ? La ilaha illallah ne lui est pas bénéfique. C'est pour cela. Donc, là il dit, le shir, quelqu'un qui est invité, qu'il soit marxiste ou ilmani, ça veut dire un laïc. Vous voyez, subhanallah, lorsqu'on entend aujourd'hui l'islam laïque, a'oudou billah. Donc, يقولون الآن الإسلام العلماني أعوذ بالله يعني يكون مسلم وعلماني الإسلام الديمقراطي ولا سبحان الله. Donc là ce qu'il y a c'est que celui qui est laïque c'est pas un musulman parce qu'on est soit musulman ou soit on est laïque. On peut pas être musulman et chrétien en même temps, d'accord? On est soit musulman soit on est chrétien. Donc celui qui dit qu'il est laïque, donc soit il est laïque soit il est musulman, il doit choisir où est-ce qu'il va se retrouver le jour de la résurrection. Donc, si on invite un adorateur du feu, ou un laïc, ou un marxiste, ou un bouddhiste, ou un hindou, d'accord ? On l'invite à l'islam. Ou un juif, ou un chrétien, peu importe, n'importe quel type de mécréant. On l'invite à l'islam. Il dit, « Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah » Alors, il est obligatoire de ne pas l'offenser, de ne pas... Il n'y a rien à lui faire, d'accord ? Même s'il est dans une bataille et il prononce les deux attestations de foi, il est interdit de le tuer. Qu'est-ce qu'il dit ensuite ? Il dit une faïda qui est très intéressante, parce que là, c'est un très bon rappel pour nous tous, Inch'Allah. « Thumma yabqa hadha al-mutalaffith bil-shahada tahta al-ikhtibar » Celui qui a prononcé les deux attestations de foi, ça y est, il les a prononcées, maintenant, là, il est sous le test. D'accord ? Et ça, c'est l'erreur qu'on doit éviter de faire maintenant. C'est-à-dire que quelqu'un, il dit, viens, il dit, je veux me marier. Il ne va pas te dire d'abord, je veux me marier. Il va dire, oui, je veux me convertir à l'islam. Il vient. Et par Allah, cette erreur-là, Inch'Allah, je veux même plus entendre parler quelqu'un qui veut se convertir et deux jours après, j'entends qu'il veut se marier. Et après qu'il veut... qu'on lui fasse un acte de mariage, ça je ne le fais plus du tout. Parce qu'il y a des gens, ils viennent, ils vont venir, « Oh, je veux me convertir. Oh, » d'accord, on lui explique l'islam, il oui, il accepte le haram. Et après, deux jours après, il veut se marier. Ok, il n'y a pas de problème, il veut se marier, alhamdoulilah, c'est bien le mariage et tout cela. Cependant, le mieux, c'est honnêtement, hein, c'est de comme le cheikh dit, d'accord ? ثم يبقى هذا المتلفظ بالشهادة تحت الاختبار. Ça veut dire que on doit voir. On doit voir comment il est. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient à la mosquée, qui fait ses prières ? Est-ce que c'est quelqu'un qui veut apprendre sa religion ? Est-ce que c'est quelqu'un... Si on voit que c'est quelqu'un comme ça, alhamdoulilah. Donc après, une période de temps. Mais lorsque c'est direct comme ça, il fait les attestations de foi, et il y a plein de cas qui se sont déroulés. Hein. Je m'en souviens à Flair, c'était le même cas. Il y a quelqu'un, il est venu. Oui, je veux me convertir, je veux me convertir. Il vient, il se convertit, il prononce les deux attestations de foi. C'est bon, il va aller se marier. Et les gens ne le voient plus du tout. Ni met un pied à la mosquée, ni rien du tout. Et ça, on le voit, ce sont des cas qui se voient. Ce sont des cas qui se voient. Donc il dit le cheikh. ثم يبقى هذا المتلفظ بالشهادة تحت الاختبار. Il a prononcé les deux attestations de foi, maintenant il est sous le test. إن وجد منه بعد ذلك ما يدل على صدقه كرغبته في تعلم الإسلام. وإذا دخل وقت الصلاة سأل كيف يصلي فحاول أن يصلي أو صلى. رأينا منه علامات تدل على صدق قوله. حكم له بالإسلام. الإسلام الصحيح يعلم الصلاة. وَكُلَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ وَيَتَعَلَّمْ فَيَكُنْ أَخًا لَنَا فِي الْإِسْلَامِ. Donc il dit, n'importe qui des mécréants, on lui a fait la da'wa, il a accepté l'islam, il a prononcé les deux attestations de foi, ça devient un musulman. D'accord ? Il est maintenant sous la période de test. Si on voit de lui, des choses qui indiquent qu'il est sincère, des choses qui indiquent qu'il est sincère dans son envie à vouloir apprendre dans la religion. Il dit par exemple, lorsque vient l'heure de la salat, entre l'heure de la salat, et il se met à questionner comment je fais la prière. Il n'y sait pas encore, mais il questionne déjà. Il dit comment je fais la prière. Et il essaie de prier. Ou bien il se met à prier, il rentre, il va avec le groupe et il se met à prier avec eux. Donc il questionne, il veut savoir où il essaie de prier, où il s'est mis à prier. D'accord ? On a vu de lui des signes qui prouvent sa véracité dans la parole qu'il a prononcée des deux attestations de foi. D'accord ? Parce qu'il demande, il cherche, il veut apprendre. D'accord ? Donc il s'est converti à l'islam, il a demandé et puis maintenant il cherche. Donc là, ce sont des signes de sa véracité, de la parole qu'il a prononcée. Alors on juge sur lui, l'islam. On dit que là, il est musulman. Et l'islam correct, on lui apprend donc la salate, on lui apprend tout ce qui lui est obligatoire, d'accord ? Afin qu'il devienne un de nos frères. D'accord ? Parce que la fraternité, c'est que dans l'islam. Il y a un autre type de fraternité, mais ça, c'est les mécréants entre eux. Les musulmans et les mécréants ne sont pas frères. On est d'accord ? Parce qu'Allah Azza wa Jalla a dit « Innamal mu'minuna ikhwa ». Ce sont les croyants qui sont des frères, pas les kuffars et les muslimines, ce ne sont pas des ikhwa. D'accord ? Donc, on lui apprend et puis il devient donc notre frère en islam. « Wa hadha al-wada' al-an kathirun jiddan bayna al-ummal fi ma mada nulahid hadha fi kharij hadha al-balad » عندما يدعو الدعاة الناس إلى الإسلام يعتنقون الإسلام سواء كان في الخارج أو في الداخل فينا قصورا جدا عند استقبال هؤلاء المسلمين الجدد. Donc là il dit le cheikh Mohamed Amel Jami rahimahullah, il dit, donc il parle de la situation yani dans un pays dans lequel il dit que voilà, il y a une da'wa qui est faite à des gens qui viennent travailler dans ce pays-là, d'accord ? En l'occurrence, là, c'était en Arabie Saoudite. Donc, une invitation qui est faite à l'islam. Et ce qu'il y a, c'est que le souci est surtout que ceux qui travaillent se mettent à prononcer les deux attestations de foi. Le souci est là. Et il dit, et nous avons énormément de manquements dans la façon comment on accueille ces nouveaux convertis. Parce que ce n'est pas juste de chercher à ce que juste ils prononcent les deux attestations de foi et puis après tu le laisses comme ça dans la nature. Non ? Mais tu dois l'aider, il a besoin d'un support, d'aider, de connaître sa religion, d'un suivi. Parce que ça s'apprend la religion, c'est pas, ok, il a prononcé, mais il peut faire des choses qui annulent l'islam. Et en même temps, c'est un devoir, parce que ça peut te retourner contre toi, et donc le monde dernier, il arrive. Exactement. Exactement aussi. Parce qu'il peut dire que Mathalan Foulen, eh bien voilà, il savait, il ne me l'a pas dit. Mais donc, ça, c'est un manquement qu'on a, et puis Allah al-Musta'an. Mais là, ce qu'il y a, c'est que, bon, après, il n'y a pas de structure, par exemple, qui sont faites, qu'effectivement, ceux qui se convertissent à l'islam, eh bien, bon, alhamdoulilah, ici, le frère Ad, alhamdoulilah, il a facilité qu'il y ait les cours pour que n'importe qui puisse assister et puis comprendre la religion. Mais dans d'autres endroits, eh bien, il prononce les deux attestations de foi et puis il est lâché dans la nature. Il n'y a aucun suivi, il ne sait même pas comment apprendre sa religion, et il commence à aller sur Internet, il suit une secte déviante et boum. Donc, ça se termine mal. Il y en a même qui se mettent à quitter donc l'islam, et tout ça souvent à cause des sectes déviantes, comme les soufis. Les soufis, alors l'individu, il y a quelqu'un sur camp et il n'a qu'à apostasier. Pourquoi ? Elle est rentrée avec les soufis, elle était chrétienne avant, elle est rentrée avec les soufis, la secte bouchichia. Et elle avait dit, je comprends pas, on m'a dit de dire 10 000 fois ya latif. يعني هي دخلت في الإسلام ودخلت مع صوفية وقالوا لها يلزم عليك أن تقول 1000 مرة لا 10 000 مرة يا لطيف كل يوم. فتعبت من هذا وارتدت من الإسلام سبحان الله. Donc, 10 000 fois dit Yalatif. Donc, elle a été fatiguée de dire, tu vois, elle a dit, je comprenais pas, on m'a dit 10 000 fois, on m'a dit de faire des choses. Il y en a que les soufis à fond, il y en a des trucs comme ça. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'elle est, a'oudou billah, elle a apostasié de l'islam. Elle a fait même une vidéo sur Internet, en train de revenir avec les chrétiens, en train de leur dire, oui, voilà, on m'a dit ça, je comprenais pas. Alors que c'est même pas l'islam correct qu'elle a connu. C'est même pas l'islam authentique. Ce sont des innovateurs, des gens qui n'ont rien d'autre à faire qu'à inventer dans la religion complète d'Allah. Donc il dit, on a des manquements dans l'accueil de ces nouveaux convertis. D'accord ? وَلَا يَنْبَغِي أَنْ نُلْقِنَهُمْ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ ثُمَّ نَتْرُكُهُمْ. Et on ne doit pas juste chercher à ce qu'ils prononcent les deux attestations de foi, puis après on les délaisse. D'accord ? بل الواجب علينا واجب الدعوة إلى الإسلام أن نعلمهم أركان الإسلام وأركان الإيمان وما يجب عليه أن يتحلى به في الإسلام ليكون مسلما صحيحا ولا يكون مسلما تقليديا الذي جار الآن عند كثير من المؤلفة قلوبهم عدم من يعتني بهم ويعلمهم أمر دينهم ويكتفي بمجرد التلفظ بالشهادتين وتغيير اسمه ويبقى بين المسلمين وجمهور المسلمين الذين هو يعيش بينهم هم أنفسهم إسلامهم تقليدي فيصبح مسلما تقليديا كالجمهور الذين يعيش معهم ككثير من أصحاب سلسله إسلام تقليدي ففاقد الشيء لا يعطيه ماذا يفعل بهذا المسلم الجديد. Et donc là, il dit un autre point, le cheikh, il dit, donc le problème, ce qu'on a, c'est qu'on ne doit pas rechercher juste à lui faire prononcer les deux attestations de foi et le délaisser. D'accord ? Ce que l'on doit, c'est l'inviter à l'islam qui est correct, l'islam authentique, on lui apprend les piliers de l'islam, les piliers de la foi, tout ce qu'il doit connaître dans sa religion, afin qu'il soit un musulman correct, d'accord ? Un vrai musulman, d'accord ? Et qu'il ne soit pas un musulman qui suit les traditions. Un musulman qui suit les traditions de tel ou tel pays, d'accord ? Et c'est ce qu'il dit, c'est ce que l'on voit ici, yani parmi les gens, qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'ils cherchent juste, bien, vas-y, va se convertir, il se convertit, ça y est, il s'est converti, et puis il est lâché dans la nature. Ils leur apprennent leur religion correctement. Ils se contentent juste qu'ils prononcent les deux attestations de foi. et ou qu'il lui change même son nom. Vas-y, bah, il faut que tu changes ton prénom. Vas-y, change ton prénom. Il a changé son prénom, il a prononcé les deux attestations de foi, et puis après, il est laissé comme ça. Il devient un musulman qui suit comme les autres. D'accord ? Ceux-là, ils font comme ça, et ben il fait comme eux. Ceux-là, ils vont là, et ben il va là. Ceux-là, il dit cela, et ben il dit cela. Il ne connaît pas sa religion. Et il dit, celui qui n'a rien ne peut rien donner. D'accord ? Celui qui n'a rien ne peut rien donner. Donc on peut croiser, il y en a, t'as le khourouj, t'as le tablir, je sais pas quoi, ils viennent et puis ils te disent, vas-y, viens avec nous, je vais t'apprendre. Tu vas lui apprendre quoi ? Ouais. N'apprends rien. 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, les gens, ils ont leur barbe qu'on blanchit où ? Dans le khourouj, avec les tablir. Et il ne sait même pas ce que ça veut dire, la ilaha illallah. Subhanallah. Yani ça, c'est... Et les gens qui rentrent avec eux, ils les suivent dans cela. Parce qu'on ne leur a pas appris la religion. Il y a des règles dans la religion. Tu ne fais pas ce que tu veux. Tu n'adores pas Allah Azzawajal comme tu veux. Tu n'adores Allah que si tu as des preuves. Mais toutes ces règles-là, s'il ne les connaît pas, comment veux-tu qu'il les applique ? Donc, il se met juste à suivre. Donc, il dit, comment alors on fait avec le nouveau musulman ? « Falwajib, an yatani du'at al-haq bi amthal ha'ula wa khususan fi dakhil hadha al-balad » Donc il dit, ce qui est obligatoire, c'est que les prédicateurs sur la vérité, eh bien, qui s'occupent spécialement de ces nouveaux convertis, afin donc de leur enseigner, d'accord ? وصلوا ورغبوا في اعتناق الإسلام وأما في الخارج فحدث ولا حرج. Donc, ils essaient juste de voilà qu'il est cet islam-là, et puis on ne sait pas exactement sur quoi se tient cet individu. إن الدعاة التابعين لإدارة البحوث ليس لديهم إمكانية حتى يهتموا بهم. Donc il dit en fait là concernant en fait les sociétés qui sont là-bas qui n'ont pas de temps en fait à s'occuper de ces nouveaux convertis pour les enseigner ça. ويجعلوا لهم مأوى ويجعلوا لهم معلمين. Ils n'ont pas de temps pour qu'ils leur donnent des enseignants, pour qu'ils leur enseignent, etc. يكتفون بمجرد تلقينهم الشهادتين. هذا خطأ. Il a dit, eh bien, ceux-là qui s'occupent à inviter les gens à l'islam, ils s'occupent juste à... Il a prononcé les deux attestations de foi, c'est bon, il est musulman. Et il laisse comme ça. Il a dit, et ça, c'est une erreur. وعلى كل راغب في الإسلام وليس نطقه للشهادتين للتخلص يعتبر مسلما وأما إذا تلفظ بالشهادتين فوجد بعد ذلك التهرب من الصلاة وعدم رغبته في الأعمال وفي الأفعال التي يقوم بها المسلم يتهرب ويتخلص ويعتبر مرتدا ويعامل معاملة المرتدين. Il dit ici un point, que donc faut pas juste essayer de faire convertir les gens par les deux attestations de foi, allez, prononce-les, il les a prononcés, tu les laisses. Il a dit donc, vous vous en souvenez ce qu'on avait dit préalablement, il prononce les deux attestations de foi, il est sous un test. Si on voit qu'il a une envie à vouloir apprendre la salette, c'est l'heure de la salette, il veut savoir, il veut apprendre sa religion, on le voit qu'il a cette envie-là, d'accord ? Et donc il cherche à apprendre, il prie, et il essaie de faire des efforts pour prier, il essaie de faire ses efforts pour apprendre, eh bien là, c'est bon, on le considère comme musulman. D'accord ? Parce qu'on le voit qu'il a ses efforts, il fait ses efforts, et il est en train d'apprendre. Mais lorsqu'il prononce les deux attestations de foi, et qu'on voit que ça y est, il les a prononcées, mais on voit qu'il fuit la prière. Il ne veut pas prier ou il ne veut pas donner d'importance à la science. D'accord ? Il n'a aucune envie à œuvrer. D'accord ? Il n'a aucune envie à œuvrer ce que le musulman fait. Il fuit la salette, il fuit les œuvres que le musulman devrait faire. D'accord ? Alors, il est considéré comme étant un murtad, un apostat. Ça veut dire quoi un apostat ? Ça veut dire qu'il a quitté l'islam. On le considère comme étant un apostat. Et on agit avec lui comme on agit avec les apostats. D'accord ? Donc celui, il a prononcé les deux attestations de foi. Mais on voit de lui que ni il veut venir prier, ni il fait les efforts pour venir prier, ni il fait les efforts pour s'éduquer dans sa religion. On lui aucune envie de vouloir rechercher dans l'islam. Donc là, alors, on le considère comme étant un apostat. إذن المسلم المسلم الحق من جمع بين هذه الأركان الخمسة. Donc il dit alors le musulman, le vrai musulman, c'est celui qui a réuni ces cinq piliers. D'accord ? هذا هو الإسلام. C'est ça l'islam. وأما الإيمان في هذا الحديث فسر بأعمال القلوب أن تؤمن بالله الإيمان بالله. Donc il dit alors que l'iman, la foi. Donc on a vu là l'islam. Là il parle de la foi, l'iman. Il dit, là, ça a été expliqué dans ce hadith comme étant les œuvres du cœur. L'iman dans ce hadith a été expliqué comme étant les œuvres du cœur. Un tu'mina billah, que tu crois en Allah. L'iman billah, ma'rifatuh awwalan, haqq al-ma'rifa. Eh bien, tu dois avoir la foi en Allah, connaître Allah de la façon la plus correcte et la plus véridique. D'accord ? وَعِبَادَتُهُ حَقَّ الْعِبَادَةِ. Et que tu sais, donc, comment adorer Allah Azza wa Jal de la façon la plus correcte. D'accord ? L'adoration en elle-même, quoi. فَمَعْرِفَةُ اللَّهِ تَعَالَى وَاجِبَ بِالْإِجْمَاعِ. Connaître donc Allah Azza wa Jal, connaître Allah, la connaissance d'Allah, est une obligation par l'unanimité, le consensus. Lorsqu'on dit le consensus, c'est quoi en islam? Ça représente quoi? Oui, ça représente quoi? Oui, mais c'est quoi? C'est quoi en islam l'ijma? C'est la majorité dans le... On peut l'utiliser comme? Comme preuve. Comme preuve, comme délil. Il y a trois preuves dans l'islam. Le Coran, la sunna et l'ijma'. D'accord? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tajtami'u ummati ala dalala ». Donc s'il y a un ijma', donc ça c'est un délil, c'est une preuve. Donc la connaissance d'Allah azza wa jal, c'est une obligation par l'unanimité. حتى عند علماء الكلام, même parmi les savants de la rhétorique, d'accord, qui sont des égarés, hein, même eux voient que la connaissance d'Allah est une obligation. فمعرفه الله باستيقان هذا اول واجب. Connaître Allah avec certitude, conviction ferme, c'est la première des obligations. اول واجب على الانسان معرفة الله باستيقان أي معرفة تصل إلى درجة اليقين. Donc c'est une connaissance qui te mène au degré de la certitude. Tu connais Allah Azza wa Jal, tu t'éduques dans cela, tu as la parfaite, parce que j'allais le dire en anglais, perfect, parfaite certitude, parfaite, yani conviction. Dans ton fort intérieur, à l'intérieur, tu as une certitude parfaite, correcte, une connaissance qui est vraiment certaine d'Allah Azza wa Jal. D'accord ? Tu atteins ce niveau-là. Laysa mujarrad da'wa. C'est pas juste que tu le dis. Je connais Allah. Oui, je connais Allah. C'est pas juste qu'on dit je connais Allah. D'accord ? Hadhihi al-ma'rifa qad tatam bid-dalil al-'aqli. Il dit, cette connaissance-là, on peut la connaître donc avec la preuve, en utilisant la raison. ثُمَّ يَجِبْ عَلَيْهِ أَنْ يَعْبُدُهُ بِمَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Donc puis, il se doit d'adorer Allah Azza wa Jal avec ce qui est venu avec l'envoyé d'Allah صلى الله عليه وسلم. Tu adores Allah Azza wa Jal avec la législation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. T'adores pas Allah comme tu veux. D'accord ? Ma'rifatullah, ma'rifat al-abd rabbah, hadhihi ma'rifa fitriya, aqliya wa shar'iyya. Donc connaître Allah, que le serviteur connaisse son Seigneur, eh bien c'est une connaissance qui est dans l'essence naturelle de l'individu, qui est également qu'on la trouve dans la raison et aussi dans la législation. بالفطرة يعلم كل إنسان أن له خالقا كيف يعلم ذلك. Avec la fitra, avec يعني l'instinct naturel, l'essence naturelle, l'individu sait qu'il a un créateur. Il sait qu'il a un créateur. D'accord? Comment sait-il cela? إذا عرف نفسه بأنه مخلوق وأنه فقير وأنه ضعيف وأنه وجد بعد أن لم يكن وأنه سوف يموت لأنه يرى الموت يوميا أو في كل لحظة من هنا يعلم أن له خالقا خلقه وأن ذلك الخالق يخالفه في جميع صفاته ليس محدثا مثله ليس فقيرا ليس عاجزا بل خالق قادر على كل شيء غني عن كل شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير Donc il dit, lorsque l'individu sait que lui-même est une créature, nous savons que nous sommes créés, nous sommes des créatures, d'accord? Il sait qu'il est pauvre, il est dans le besoin d'Allah Azza wa Jalla, il sait qu'il est pauvre, il sait que lui-même, t'as atteint d'une fièvre, t'es allongé sur ton lit, subhanallah, t'as l'impression que tu vas mourir. On est faible, d'accord? On est faible, on est pauvre, et que aujourd'hui on est là alors qu'on n'était pas avant. On est né en telle date, mais avant cette date-là, on n'était pas là, d'accord? Donc, il dit, et il sait qu'il va mourir. On va tous mourir, on le sait ça. Il n'y a personne qui est des créatures, personne ne va rester éternel. D'accord? Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucun humain qui va rester à vivre éternellement. On sait qu'on va mourir, on sait qu'on est faible, on sait qu'on a été créé, on sait qu'on n'était pas présent avant, et que maintenant on est là. D'accord? Et on sait qu'on va mourir et parfois on voit la mort chaque jour. Alors de là, on sait que il y a quelqu'un qui nous a créés. Et que ce créateur nous oppose dans tout. Il nous ressemble en rien. Parce que le créateur est éternel. Il n'est pas nouveau comme la créature. D'accord? Et qu'il n'est pas pauvre, il s'autosuffit, il n'a besoin de personne. Avant qu'il crée les créatures, il n'avait besoin de personne. Et après, il les a créés, et il leur a ordonné qu'ils l'adorent. Et même si tu adores Allah Azza wa Jal toute ta vie, ni tu n'augmentes quelque chose au royaume d'Allah, ni tu ne diminues quoi que ce soit du royaume d'Allah Azza wa Jal. Quoi que tu fasses, tu n'apportes rien de plus à Allah Azza wa Jal. Tu n'apportes rien à Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal n'a pas besoin de nous. Il n'a pas besoin de nos actes d'adoration. Et même, il y a des gens qui parfois, lorsqu'ils s'énervent, parce qu'ils n'ont pas eu telle chose, ils s'énervent contre Allah Azza wa Jal et ils se disent, bah, il arrête de prier. Il y avait un kafir qui disait, oh, il a arrêté de croire en Dieu. Mais il était déjà un kafir, donc. Il a dit, il a arrêté de croire en Dieu lorsque son frère est mort. C'est-à-dire, il se rebelle, mais il ne se lui que lui-même. Allah Azza wa Jal, il s'autosuffit. Il sait donc, l'individu, il sait que lui, il est faible. Il a été créé. Il n'était pas là avant. D'accord? Puis, il se retrouve là. Alallah. Qu'il est dans le besoin. Qu'il est faible, on avait dit, il sait qu'il va mourir. Il voit parfois la mort chaque jour. Il sait que le Créateur lui est éternel, s'autosuffit, n'a besoin de personne. Et rien ne lui ressemble. Et il est l'audient, le clairvoyant. D'accord ? C'est ainsi que le croyant, c'est ainsi qu'il se met à croire de l'existence d'Allah Azza wa Jal. Il voit même, il voit, subhanallah, vous voyez les nuages, tu vois le nuage, cette création, cette créature-là. C'est une créature, les nuages. Tu vois ces nuages-là, Allah Azza wa Jal fait tomber la pluie de ces nuages-là, il fait des mouvements, subhanallah, Allah Azza wa Jal fait que les vents font pousser les nuages d'un endroit vers l'autre. Il contient l'eau en suspension dans les cieux. Alors, à chaque fois, je le dis cet exemple-là, mais c'est Allahu Akbar. Est-ce qu'on arrive à imaginer de l'eau en suspension dans les cieux ? Subhanallah. L'eau, on avait dit, elle est sous trois formes : liquide, solide, gazeuse. Alors, tu as le liquide, tu essaies de la faire sous vapeur d'eau. D'accord ? Tu le fais chauffer donc. T'es obligé de la faire chauffer. Cependant, lorsqu'elle est en vapeur d'eau, toi tu veux qu'elle se contienne, elle reste à une place. Elle va partir dans tous les sens. Donc tu vas prendre un sac plastique pour essayer de la contenir. Mais en le mettant dans le sac plastique, elle va se recondenser. Elle va devenir à l'état liquide. Tu ne peux pas la tenir, subhanallah. Et alors qu'Allah Azza wa Jalla dit, wa arsalna ar-riyaha lawaqiha fa anzalna min as-sama'i ma'an fa asqaynakum wa ma antum lahu bikhazinin. Et nous avons envoyé les vents dans sourate al-Hijr, sourate 15. Donc le Coran qui a été révélé il y a plus de 14 siècles. Nous avons envoyé les vents, que de ces vents-là font tomber la pluie. D'accord ? Et pour vous abreuver, pour vous nourrir avec cette eau-là, mais vous ne pouvez pas contenir cette eau-là comme Allah Azza wa Jalla la contient. Tu vois, subhanallah, tu vois juste ça. Donc juste lorsque tu vois cela, tu sais que il y a un créateur. Tu sais qu'il y a un créateur. Regarde la complexité du cerveau. Regarde des milliards de neurones dans le cerveau. Subhanallah. Des milliards de connexions. Alors là, le frère Adel, il bouge le stylo, il m'écoute, il respire, son cœur bat, le sang coule. Il ne s'en rend pas compte de tout cela, subhanallah. Tout ça, ce sont des ni'am qu'on a. On parle, on cligne des yeux, on s'écoute, on... Mais tu peux continuer à faire bouger le stylo, c'est pas grave. Donc ce qu'il y a, subhanallah, ce sont tous les... Regardez tout ce qu'on fait sans s'en rendre compte, subhanallah. La complexité, le fait que chaque individu est génétiquement différent. Chaque individu est unique dans l'empreinte. Tu vois, ton empreinte là, t'es unique. L'ADN, subhanallah. L'ADN, 1m20, 1m20 l'ADN. Longueur d'1m20. T'imagines, 1m20, c'est ça quoi, pratiquement. 1m20. Et que là, les cellules qui sont au niveau de la peau, pour que tu les vois, il faut que tu tailles au niveau microscopique. 1m20, Allah Azza wa Jalla a fait que c'est contenu dans ces cellules microscopiques. Le fait que dans ce que tu dis, l'infiniment petit, c'est plus complexe que l'infiniment grand. C'est-à-dire que le cerveau en lui-même, il est encore plus complexe que la galaxie tout entière. Au niveau des connexions, au niveau de... Non, ça c'est pas correct de dire ça. Mais ça c'est les scientifiques, mais Allah Azza wa Jalla il a dit que la création des cieux et de la terre est plus énorme que la création de l'être humain. Tu vois. Donc tu vois déjà rien que la complexité de l'être humain, comment que c'est compliqué, Et regarde le subhanallah microscopique, 1m20 l'ADN, regarde la complexité. Mais Allah Azza wa Jalla nous dit que la création des cieux et de la terre est plus énorme que la création de l'être humain, subhanallah. Donc, il y a des milliards de galaxies qu'on ne connaît même pas, qu'on ne peut même pas... subhanallah. Donc, barakallahu fi, comme tout ça, lorsqu'on voit, ça fait partie de la fitra. Ça fait partie de la fitra, d'accord ? Idhan al-Muslim, donc on avait vu ça, al-Muslim. Donc comment l'individu connaît son Seigneur ? وَمِمَّا يَجِبُ الْإِيمَانُ بِهِ فِي بَابِ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَعْرِفْ بِأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ مُخْتَلِطًا بِخَلْقِهِ لَا فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ بل الله سبحانه وتعالى منزيه من أن يختلط بخلقه. Donc il dit, et ce qu'il est obligatoire de connaître dans la connaissance d'Allah, c'est qu'Allah Azza wa Jal n'est pas mélangé avec la créature. N'est pas mélangé avec la créature. D'accord ? Allah Azza wa Jal n'est pas mélangé avec les créatures. Et qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de tout cela. Il n'est pas mélangé avec ses créatures. لا يعتقد بأن الله في كل شيء. Il ne croit pas qu'Allah Azza wa Jal est dans chaque chose. D'accord ? Comme les kuffars disent, les chrétiens par exemple, ils disent en chacun de toi, hein, je vois en toi Dieu. En chacun de toi. A'oudou billah. Donc ça c'est faux ça. D'accord ? Donc ce qui est obligatoire de croire, c'est qu'Allah Azza wa Jal n'est pas mélangé avec sa créature. D'accord ? لا يعتقد بأن الله في كل شيء. Il ne croit pas qu'Allah Azza wa Jal est dans chaque chose. أو في كل مكان. Ou bien dans chaque endroit. D'accord ? Si tu poses la question à quelqu'un... C'est pas clair dans la tête de beaucoup de gens, ça. Ouais, mais beaucoup de gens croient que... Tu dis, où est Allah ? Il est partout. Astaghfirullah. Les soufis aussi, ils disent ça. Ben ça, ce sont les soufis, ça. Soufis, jama'at al-tablir. Toutes les soufis. Aïn Allah fi kulli makan. Wal ash'a'ira. Même certaines personnes qui s'affilient pas, qui s'affilient au bien groupe aussi. Ouais, non, mais c'est ça. Même dans la création d'Allah, tu vois Allah. Eh bien, justement, ça, on va en parler. Et ce sont toutes ces faïdas-là qui donnent le Cheikh Mohammed Amaljem. Et c'est pour ça que je voulais les... Et dans l'explication, on est encore dans l'explication du hadith 2, ça, d'accord ? Donc, il dit, « La ya'taqid bi anna Allah fi kulli shay » Il ne croit pas qu'Allah est dans chaque chose. « Aw fi kulli makan » Ou bien dans chaque endroit. « Bal ya'taqid bi anna Allah fawqa samawatihi mustawiyan ala arshihi ba'in min khalqihi » يدعى من فوقي ويقصد من فوقي لا من أسفل ولا عن يمين ولا يسار ولا خلف ولا أمام. Donc il doit croire qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de toute sa création. Au-dessus de toute sa création. Donc Allah Azza wa Jal n'est ni dans ses créatures, ni mélangé avec ses créatures, ni il est dans chaque chose, ni partout. D'accord ? Mais il doit croire qu'Allah est au-dessus de toutes ses créatures. Au-dessus des sept cieux. On sait qu'il y a, sept cieux et il y a sept terres. D'accord ? Entre chaque cieux, 500 années. Allah Azza wa Jal est au-dessus de toutes ses créatures. Il n'est pas mélangé aux créatures, il est au-dessus de toutes ses créatures. Élevé au-dessus de son arche, de son trône. C'est des années. Quand on dit 500 ans, c'est 500 ans de notre époque ou c'est 500 ans de la terre? Allahu a'lam. C'est quoi ces 500 ans de marche? Allahu a'lam. Je ne sais pas. Je sais que 500 années, il faudra creuser la question, inshallah, bi'idnillah. Je vais vérifier, bi'idnillah. Je ne peux pas vous dire quelque chose que... Donc on doit croire qu'Allah est au-dessus de toutes ses créatures, d'accord ? Au-dessus de toutes ses créatures. Il est au-dessus de son trône, élevé au-dessus de son trône, d'accord ? Différent de sa créature. Et Allah Azza wa Jal, il ordonne, révèle, d'accord ? Tout du haut, du haut au-dessus de son trône, d'accord ? Élevé au-dessus de son trône. D'accord ? Mais, ce n'est ni en bas, ni à droite, ni à gauche. D'accord ? Ni devant, ni derrière. Donc on comprend bien qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de toutes ses créatures. Et lorsqu'on sait que le trône d'Allah, c'est une créature, le trône c'est une créature, Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus. D'accord ? Il n'y a rien qui est au-dessus d'Allah, il n'y a rien qui est, tu vois. Allah Azza wa Jal, il n'est pas dans ses créatures. Il n'est pas mélangé, il n'est pas à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière. Il est au-dessus de toutes ses créatures. Barakallahu fikum. Wa hadhihi al-ma'rifa. Ma'rifa fitriya. Et ça, cette connaissance-là qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus, au-dessus de toute sa créature, c'est une connaissance de l'instinct naturel, de l'essence naturelle. Il va dire pourquoi. لو أنك سألت أي إنسان جاهل غير متعلم عربيا أو عجميا أين ربك؟ Donc si tu questionnes n'importe quel individu, d'accord? N'importe quel individu, qu'il soit un ignorant, qu'il soit quelqu'un qui ne s'éduque pas, d'accord? Qu'il soit un arabe ou qu'il soit un non-arabe, si tu lui poses la question où est ton Seigneur, وكيف تدعو ربك ومن أين تدعوه, et comment tu invoques ton Seigneur et d'où tu l'invoques. قال يا الله فوق يدعوه من فوق ويرفع يديه إلى فوق ويرفع بصره إلى فوق وضميره يلتفت قبل بصره وقبل أن يرفع يديه إلى الفوق إذا قال يا الله حالا هكذا فطر الله العباد على معرفته أنه يدعى من فوق. Et donc, il a dit que lorsque tu questionnes n'importe quel individu, lorsqu'il se met à invoquer Allah, Ya Allah, qu'est-ce qu'il fait, première chose? Il sait qu'il va lever les yeux en l'air. Déjà, avant de lever les yeux, il sait qu'il va le lever. Il va lever les yeux. Il va dire Ya Allah. Il va lever ses mains en l'air. Donc, il y a les Asha'ira, ou les Soufiya, qui te disent Allah fi kulli makan. Alors, tu lui dis, comment tu fais le doua? Tu fais le doua comme ça? Subhanallah. كيف تدعي ربي كذا يعني سبحان الله. Il dit, pourquoi tu lèves les mains? Et ça fait la fitra. Tu sais qu'Allah est élevé au-dessus de toute sa créature. Au-dessus, il n'est pas partout. Tu n'es pas comme ça en train de faire où est-ce que j'invoque. Tu invoques Allah Azza wa Jal. Tu lèves les yeux vers le ciel. Tu sais que tu vas lever les yeux vers le ciel, subhanallah. Mais comme on avait dit, vous voyez les matchs de foot, subhanallah, ils sont en finale de Champions League, ils espèrent gagner. Qu'est-ce qu'ils font? Direct, ils lèvent les yeux vers le ciel. Même les chrétiens, tous, ils sont comme ça en train de lever vers le ciel. Ça, c'est l'essence, l'instinct, l'essence naturelle, tu vois, qu'Allah Azza wa Jalla a placé dans ses créatures. سُئِلَ إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَالِمٌ كَبِيرٌ قِيلَ لَهُ بِمَا نَعْرِفُ رَبَّنَا قال نعرفه بأنه مستوي على عرشه بائن من خلقه وعلمه في كل مكان ولا يخلو مكان من علمه. Donc il dit, il y a un grand savant qui a été questionné, un très grand savant parmi les musulmans qui a été questionné, où est Allah, où est comment connaissons-nous notre Seigneur? Il répondit, on connaît notre Seigneur qu'il est élevé au-dessus de son trône, différent de ses créatures, dissocié de ses créatures, différent de ses créatures, et que sa science est partout. Il n'y a pas un endroit, d'accord, excepté que sa science y est. هذه النقطة في كل مناسبة لابد من الوقوف عندها لأن جمهور المسلمين حتى العوام فسدت عقيدتهم في هذه العقيدة وفي هذه الصفة في صفة علو الله واستوائه على عرشه إذ قد انتشرت من فترة طويلة من عهد العباسيين إلى يومنا هذا انتشرت عقيدة تسمى العقيدة الأشعرية. Naam, ça on va le voir ça. Naam. Naam. Donc il dit, il y a un point ici qu'on doit à chaque fois mentionner, qui est un point important. Concernant l'élévation d'Allah Azza wa Jal, qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de toutes ses créatures. Il n'est pas partout. D'accord? Lorsque l'imam Abu Hanif est questionné sur où est Allah, et qu'il dit que celui man za'ama anna Allah fi kulli makan faqad kafar, celui qui dit qu'Allah est partout est devenu un mécréant. Pourquoi? Parce qu'il a opposé la parole d'Allah Azza wa Jal. Et il a opposé même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il a questionné cette femme qui était esclave, il lui a dit « Aïn Allah ?» Elle lui a dit « Fis sama » « Où est Allah ?» Elle a répondu « Au-dessus des cieux ». D'accord ? Et donc il lui a dit « A'tiqha fa innaha mu'mina » « Libère-la parce que c'est une croyante ». Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette femme qui était une esclave, ce n'était pas une savante, elle-même savait où est Allah azza wa jal. Il est au-dessus de ça, de ses créatures, au-dessus des cieux. Et il dit, aujourd'hui, il y a des gens qui s'affilient à l'islam, qui ont des diplômes et des degrés dans la religion, et qu'ils te lisent le Coran, ce qu'Allah azza wa jal dit, أَأَمَنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضِ ou qu'ils lisent الرَّحْمَنَ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى. Puis après, ils ferment le livre, ils le mettent derrière leur dos, ils se mettent à dire لَيْسَ اللَّهُ فَوْقَ لَيْسَ اللَّهُ تَحْتَ لَيْسَ اللَّهُ Subhanallah. Donc, ils lisent cela, ils se mettent à dire ensuite Allah n'est ni à droite, ni en haut, ni à gauche, ni en bas, ni au-dessus, ni... Subhanallah. Donc il dit, c'est un point important ici, dont la aqida des musulmans a été corrompue. La aqida des musulmans a été corrompue, de nombreux musulmans sont tombés dans cela, il y en a qui ont suivi juste parce qu'il fallait suivre, d'accord ? Il a dit quoi ? Il a dit, concernant l'attribut de l'élévation, sifat ulou Allah, l'attribut de l'élévation d'Allah Azzawajal, et qu'Allah Azzawajal est au-dessus, qu'il est élevé au-dessus de son trône. Parce qu'il y a dit, il y a une nouvelle aqida qui s'appelle l'aqida al-Ash'ariya, qui est du temps des Abbasiyin. D'accord ? C'est dans le calendrier, là, c'est de 750 à 1517. D'accord ? Ça fait à peu près 150 hijri, à peu près environ, les Abbasiyin. Et pendant toute cette période-là, on voit que les Jahmiya sont arrivés dans les 200 Hijri, subhanallah. C'est pendant la période des Abbasides. D'accord ? Les Qadariya, c'était du temps des Sahaba. Et à la fin de la période des Sahaba, il y avait les Shia. D'accord ? Donc, depuis le temps des Abbasides jusqu'à nos jours, il y a une aqida, il y a une croyance qui s'appelle la croyance des Ash'ariya. Qu'aujourd'hui, on entend les gens, ils disent oui, la majorité des musulmans sont des Ash'ariya. Et ça, c'est. Et ça, c'est faux, ça. Ce sont eux qui essaient de faire croire que la majorité des musulmans sont des Ash'ariya. Ash'ariya, c'est une croyance, on l'avait vu. D'ailleurs, normalement, on ne doit pas l'appeler Ash'ariya. Comment on doit l'appeler ? Comment on l'appelle ? Naam, naam. Lidalk, thumma sara, kullabiyan, thumma sara. Naam. Naam. ثم حينما نصح من أهل السنة نعم. ثم بنى مذهبه في العقيدة نعم. ثم يعني اختلط بعلماء أهل السنة ثم تابع نعم. ولكن حتى يكذبون الأشاعرة يكذبون يقولون هو تاب قبل موته قليل لا إنما هو تاب كتب كتاب كتب 60 كتاب لكن هما يعني لا يؤمنون بهذه الكتب يقولون هذه الكتب باطلة وكذا وكذا يعني سبحان الله يعني نعم Barakallahu fik, c'est ça. Normalement, l'Ash'ira, on doit les appeler al-Kullabiyin. C'est ça, on doit les appeler des Kullabiyya. Parce qu'on avait vu ça. Comment ? En fait, il y avait, Barakallahu fikum, comme le frère l'avait mentionné, c'est qu'il y avait les Mu'tazila qui étaient d'abord. D'accord ? Eux, les Mu'tazila, ils sont du temps. Ils sont apparus du temps donc des Abbasides là, avec Al-Mu'tasim et tout cela là, lorsqu'il y avait les califes. Et ce qu'il y avait, c'est qu'ils ont commencé à dire, écoutez, ceux qui entouraient le calife, ils lui ont dit, pour éviter de tomber dans le doute, tu vois, de dire que la Qudra est Qadima, que ce que Allah Azza wa Jal veut faire, c'est quelque chose d'ancien. Et que Allah Azza wa Jal est ancien, et que on va retirer tous les noms et attributs, d'accord, pour éviter de tomber dans l'erreur. Donc ils ont renié tous les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal. Donc ça c'est les Mu'tazila. Donc Abu al-Hassan al-Ash'ari, lui, avant d'avoir la croyance que les gens aujourd'hui s'y accrochent alors qu'il s'est repenti avant, après, par la suite, pardon. Donc lui, il était un Mu'tazili. Donc ceux qui reniaient tous les noms et attributs d'Allah. Puis, il s'est repenti de cela. Et il a suivi les Kullabiyya. Les Kullabiyya, ont renié. Donc on croit au nom d'Allah Azza wa Jal. Ils changent le sens du nom, des noms d'Allah Azza wa Jal. D'accord ? Et ils ne croient qu'en sept attributs d'Allah Azza wa Jal. D'accord ? Et donc il était sur ça, l'imam Abu Hassan al-Ash'ari. Puis ensuite, il s'est repenti et il a dit qu'il était sur la voie de l'imam Ahmed. Et il a dit, je me repens de ce que j'étais, comme, et il a enlevé son kamis, le vêtement qu'il avait, comme je m'enlève de ce vêtement-là, pour dire qu'il s'est complètement repenti de ce qu'il était avant. Et qu'il était sur la voie de l'imam Ahmed. D'accord ? Et il avait écrit donc des livres qu'il s'était repenti sur cela. Donc les gens aujourd'hui qui se disent Asha'ira, ils ne viennent pas sur ce quoi ils s'étaient repentis, c'est-à-dire sur la croyance de l'imam Ahmed. Non, ils sont restés sur l'égarement dans lequel il était avant. Mais ils continuent à se dire qu'ils sont des Asha'ira. Donc ça, c'est une injustice. C'est pour ça que Cheikh Salah Al-Fawzan, Hafidhullah, avait dit, donc il est plus correct de les appeler que ce sont des Kullabiyya et non pas des Asha'ira. D'accord ? Donc ça, on l'avait vu dans le détail, hein, dans les cours précédents. Donc, mais s'il y a des trucs qui ne sont pas clairs, Inch'Allah, on reviendra dessus. Faudra le noter, Inch'Allah, on reviendra dessus. Donc il dit, il y a cette aqidah-là des Asha'ira. Et cette aqidah, wa tilka al-aqidah fiha inhiraf wa fiha akhta. Fiha sawab wa khata, fal khata fiha akthar min as-sawab. Dans cette aqidah-là, il y a des erreurs. Il y a des faussetés. Il y a des choses correctes et des choses qui sont mauvaises. Mais les choses mauvaises sont plus nombreuses que les choses correctes. ومن أخطاء العقيدة الأشعرية التي أفسدت فترة كثير من الناس اعتقاد بأن الله في كل مكان. Donc il dit parmi la croyance de la aqida des Ash'ari, d'accord, qui a corrompu la croyance de nombreuses personnes, c'est de croire que Allah est partout. Au jour d'aujourd'hui, ces gens-là, Oui, Hérouville Sinclair. Oui, mais est-ce qu'ils croient toujours cet attribut? Aujourd'hui, la mosquée d'Hérouville Sinclair, oui. Hérouville Sinclair. Hada Mounir, là, qui fait les khutbas à Hérouville Sinclair. Celui-là, c'est un égaré, un jahel. Il monte sur le minbar et il parle sans science. Subhanallah. Il dit aux gens d'aller voter. Subhanallah. Et il est venu à la mosquée du chemin vert. Il a dit, nous sommes Ash'ari. Il ne sait même pas ce que c'est l'Ash'ari. Je suis sûr qu'il ne sait même pas ce que c'est. Il suit juste le Qardawi, ce terroriste. Juste il suit le Qardawi et puis après il prétend yani qu'il est Ash'ari. Subhanallah. C'est... Ils croient toujours dans ce domaine-là, dans le sens qu'ils acceptent que cet attribut de... Mais je... Wallah wa a'lam. Moi ce que je crois que c'est ces individus-là, ils ne savent même pas ce que c'est l'Ash'ari. Ce n'est pas des gens qui étudient. C'est juste qu'ils ont leur business. Hérouville, c'est business, t'achètes, tac, tu vas aller en vacances, c'est tout. C'est pas des gens qui étudient. Ils disent ils sont Ash'ari, pourquoi? Parce que, ils aiment Al-Qardawi. Al-Qardawi, ce terroriste qui dit qu'il a donné la fatwa autorisant les attentats suicides. Eux, ils l'aiment pourquoi? Parce qu'il leur a permis la musique, il leur a permis les intérêts bancaires. Il leur a permis de dire que Allah Azza wa Jal est miséricorde sur le kafir de pape, subhanallah. Il leur a permis plein de choses qui sont interdites. Voyez. Donc aujourd'hui, lorsqu'on entend des gens qui défendent le Qardawi, il faut connaître qui est le Qardawi, subhanallah. Les savants de la sunna l'ont réfuté. C'est cet individu qui est à l'origine de la fatwa qui autorise les attentats suicides. Donc lorsqu'on entend aujourd'hui Hérouville qui sont en train de défendre et tout cela, moi je dis qu'Hérouville c'est un terreau fertile au terrorisme. Ils disent aux gens de lire les livres de Sayyid Qutb, ils disent aux gens qui défendent Al-Qardawi, Et puis, ils viennent devant le préfet et puis tout cela. Oh non, non, non, nous sommes laïcs, nous sommes pas en mon nom. Subhanallah, pas en ton nom. La ilaha illallah. Donc, c'est le double jeu de la secte des ikhwan. Eux, ce sont des ikhwan, ça c'est connu. Donc, le mieux, c'est de ne pas prier là-bas, c'est d'être pris dans une autre mosquée, honnêtement. Parce que sinon, tu pries là-bas, tu es affilié à ces gens-là. Subhanallah. Ils te voient prier là-bas, ça veut dire quoi? Peut-être que tu es influencé par eux. Ils vont commencer à dire ça. Si tu as les moyens d'aller prier dans une autre mosquée, tu vois, au chemin vert par exemple, vous venez déménager tous au chemin vert, machallah. On sera tous là-bas. Il y en a, alhamdoulilah. Mais, non. Un individu qui monte sur le minbar de la khutbah al-jum'ah et qui te dit il faut voter, il n'a rien compris. Il sait même pas. Celui qui dit il faut voter, c'est qu'il ne sait même pas ce que ça veut dire la ilaha illallah. C'est le seul à faire la khutbah, lui, là-bas ou... Il y en a d'autres, il y a l'autre jahl de Abdelrahman, il y en a d'autres. Ils sont tous des johel, ils montent comme ça et puis ils parlent. Non. Après, il y a un imam là-bas et. Enfin, mais j'ai jamais entendu de. Saïd. Saïd, il a pas de science, Saïd. Il a étudié à Château Chinon, là. C'est une école d'Ikhwan, pour former des Ikhwan. Et Saïd, c'est bon, il est venu en France, il a appris un peu le français. Sans parler de Saïd, il est parti. Avec les Ikhwan, il incitait tous les jeunes à aller étudier à Château Chinon. Oui, mais parce que ce sont des Ikhwan, ils forment des Ikhwan là-bas, la secte des frères musulmans. Et ce qu'il y a, c'est que lorsque et tu le verras toi-même, il va s'asseoir avec des gens de la sunna, il va leur dire « oui, oui, oui, oui, tu as raison ». Il va s'asseoir avec des soufis, il va leur dire « oui, oui, oui, tu as raison ». Il va s'asseoir avec n'importe qui, il va leur dire « c'est juste, il veut plaire à tout le monde ». Donc, et les gens, ils l'aiment parce que jamais il va leur dire non, ça c'est interdit, ou bien ça c'est pas permis, voilà, ça c'est. Et donc les gens, ils disent oh non, ça c'est soft ça, ça c'est ce qu'ils kiffent. Ils aiment ça, oui, ça c'est bien. Moi je suis sûr que si je vais lui demander, il va pas me déplaire. Mais si je vais voir celui-là, là, il risque de me dire Allah, il dit, Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va directement me mettre une barrière. Donc. Inch'Allah. وأخذت الصوفية المبتدعة كل شيء في يعني في رئاسة الدينية نعم أصبحوا يقولون يعني وينشرون هذه الصوفية ويقولون إن كنت حنفيا أنت تكون يعني لابد أن تكون مادريديا يعني ديكتاتورية نعم نعم شافعية لابد أن تكون أشعرية نعم نعم سبحان الله يعني يحصروننا يعني هذا نفس الكلام في تونس أو في المغرب العربي أحيانا يعني سبحان الله il dit le frère que en Russie ce qu'ils font c'est qu'ils te disent donc ils essaient de détendre la soufia partout et puis ils essaient d'instaurer une sorte de dictature dans la croyance en te disant eh bien si tu te prétends suivre le madhab de l'imam Abu Hanifa tu es obligatoirement un maturidi, d'accord. Ça, c'est une autre croyance, ça. Et il te dit, si tu suis le madhab de l'imam Shafi'i, tu es obligatoirement un ash'ari. Wa nahna fi Tunis 'indana, idha kunta malikiyan, fa anta ash'ari. Yaqul al-mufti, mufti Tunis, yaqul nahna ala madhab l'imam maliki, wa ala aqida al-ash'ira, wa ala natasarruf kal junaid, yani soufi. Subhanallah. Donc il dit, on se comporte comme, dans le comportement, on est comme le Junaïd. Ils disent en Tunisie, ils disent, eh bien, on est Maliki, mais... Alors ils disent pas on est Maliki, mais avec la croyance de l'imam Malik. Ils disent on est Maliki, mais on est Ash'ari. Subhanallah. Mais Ash'ari, c'était pas la croyance de l'imam Malik. Et ils te disent, ils sont sur le comportement de Junaïd. Donc c'est trois choses différentes. Donc dans le madhab Maliki, une croyance égarée et un comportement des soufis, les Junaïd, a'oudou billah. Donc, c'est Allah al-Musta'an, c'est cette aqidah-là, barakallahu fikum, c'est cette aqidah-là qui est en train de s'étendre parmi la aqidah, parmi les erreurs de la aqidah al-Ash'ariyya, c'est « an ta'taqid bi anna Allah ». Alors attendez, qu'est-ce qu'il dit ?« Min akhta al-aqidah al-Ash'ariyya », Al-Ash'ariya, pardon. Parmi les erreurs de l'aqida al-Ash'ariya, التي افسدت فترة كثير من الناس, اعتقاد بأن الله في كل مكان. Donc parmi l'erreur, c'est de croire qu'Allah est partout. Ça, c'est parmi les erreurs de l'aqida al-Ash'ariya. Croire qu'Allah est partout. خطأ ما أكبره من خطأ. Il dit c'est une erreur, et quelle énorme erreur. إذا قلت إن الله في كل مكان أنت بين أحد أمرين. Si tu dis qu'Allah est partout, tu es dans deux cas là. إما أن تعتقد بأن الله حل في كل شيء كما تعتقد وحدة الوجود. Soit tu crois qu'Allah Azza wa Jal, yani la créature et le créateur ne font qu'un, ils sont à l'intérieur, d'accord ? Ça c'est l'aqida de Wahdat al-Wujud, dans les soufis, qui croient que Allah Azza wa Jal et la créature ne font qu'un. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il est dans chaque créature. Ça c'est les soufis qui veulent... Soufis, ya na'am. Na'am. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça. Et a'oudou billah, il est soufi. Moi, c'est Ibn Arabi. Ibn Arabi, c'est un kafir. Ibn Arabi, c'est un kafir. Il n'est pas Ibn Arabi. Non, il n'est pas le Maliki. Non, Ibn Arabi, le soufi. Parce qu'il ne faut pas se tromper avec Ibn Arabi, celui qui est Maliki. Parce qu'il y en a un qui est Maliki, c'est un grand savant de la sunna. Ah, c'est comme dans la khutbah que tu as. Voilà, tu vois, voilà. Mais il y a un autre qui s'appelle Ibn Arabi que les soufis utilisent. Si vous entendez un soufi dire Ibn Arabi, faut savoir que Ibn Arabi c'est un kafir qui croit que Allah et la créature ne font qu'un. A'oudou billah. Ils disent qu'Allah est dans la créature. Donc celui qui croit ça, c'est une mécréance qui est pire que la mécréance des juifs et des chrétiens. Subhanallah. Halla fi kulli shay. Donc ils te disent, soit tu crois, donc si tu dis qu'Allah est partout, soit tu crois qu'Allah est dans chaque créature, il est dans toute chose, d'accord, et c'est pour ça que tu ne le vois pas, d'accord. Ou tu crois que وجوده كوجود الهواء المنتشر في كل شيء. Ou bien tu crois que sa présence, d'accord, c'est comme l'air. Tu dis qu'Allah est comme l'air. Donc tu dis qu'Allah est partout. Soit tu crois qu'il est dans la créature, ou soit tu dis qu'il est comme l'air. D'accord ? Qui va partout. كل هذه العقيدة عقيدة منحرفة مخالفة لما في الكتاب والسنة. نعم, subhanallah. مخالفة للفطرة أيضا. Donc il dit, tout cela, c'est une croyance qui est corrompu, qui s'oppose à ce qui est dans le Coran et la Sunna. Le frère avait mentionné, mais c'est vrai. Et qui s'oppose même à l'essence même. Toi, lorsque tu invoques Allah, tu dis Ya Allah, tu n'es pas en train de chercher dans toi. On est en train de. Tu dis Ya Allah. Tu as dit le corrompu, la croyance corrompue à l'essence même et quoi ? Au Coran et à la Sunna. Et au Coran et... Ça s'oppose au Coran et à la Sunna. D'accord ? Ça s'oppose à l'essence même naturel et ça s'oppose au Coran et à la Sunna. Allah akhbara an nafsihi bi annahu mustawiyan ala arshihi ar-Rahman ala al-arshi istawa. Allah azza wa jalla a informé qu'il était élevé au-dessus de son trône. Allah azza wa jalla dit dans la traduction du sens du verset, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus de son trône. Ar-Rahman al-Arsh istawa, fi ay sura hadi? Est-ce qu'on la trouve aussi dans sourate al Taha? Sourate Taha, mena barakallahu fik. Taha. Sourate Taha. Naam. Verset. Ouais, je mémorise pas le verset, akhi, là tu vas trop loin. Akhi, vous ferez des recherches inchallah. Je répète, c'est un jour bientôt mort, on dit Naam. Non, le tu dis noté là. Tu regardes une fois que je note. Barakallahu fik, akhi. Je vous donne des versets, vous ferez des recherches. D'accord. Et puis vous marquerez vous... C'est quoi le verset, le tout miséricordieux ? C'est élevé au-dessus du trône. Miséricordieux, attends, parce que là, miséricordieux. s'est élevé au-dessus du trône. وقال الرب سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء. Et Allah Azza wa Jalla dit dans la traduction du sens du verset, vous sentez-vous sécurisé de celui qui est au-dessus des cieux? Non. Oui. Marratain, donc deux fois Allah Azza wa Jalla a mentionné qu'Allah Azza wa Jalla, donc vous sentez-vous en sécurité de celui qui est au-dessus des cieux? إِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ. Vers lui remonte la bonne parole, vers lui remonte la bonne parole, donc remonte, c'est quelle? En haut. C'est en haut, d'accord. Vers lui remonte la bonne parole et l'œuvre bonne, il l'élève, d'accord. Et Allah Azza wa Jalla dit aussi, إِنَّ نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّ لَهُ لَحَفِظُونَ. C'est nous qui avons fait descendre. Non, en fait, il y a beaucoup de choses dans le Coran qui sont citées comme descendues. Non, descendre. Non. Non. On fait descendre. Non, le dhikr, c'est pour le Coran. Non. Donc, ça remonte, ça vous voyez, vers lui remonte la bonne parole. D'accord? Vers lui remonte la bonne parole. Donc c'est qu'Allah Azza wa Jalla est au-dessus de sa création. Donc vous voyez, yani واحد يلي يقرا هذه الايات في القران, il lit tous ces versets là dans le Coran, comment peut-il dire l'Isra wal Mi'raj? Naam. L'Isra wal Mi'raj. Barakallahu fik, subhanallah. L'Isra, regardez, on connaît tous le hadith, le l'Isra wal Mi'raj. Lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été élevé jusqu'à ce qu'il ait arrivé à un point où est-ce que Jibril alayhi salam ne pouvait pas franchir. D'accord? Donc tout ça sont des preuves. Naam. Exactement, barakallahu fik. Subhanallah. Barakallahu fik, subhanallah. Naam, naam. Allah azza wa jalla, barakallahu fik. Naam. Donc, s'il est partout, il est nulle part. Mm. Déjà, il y a une contradiction. Non, exactement. Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Naam. On devient rien. Naam. Pareil. Naam. Ensuite, je crois qu'il dit Isa, alayhi salam. Et certes, nous l'avons élevé. Naam. Naam. Barakallah. Exactement. Nous l'avons élevé. Et Allah Azza wa Jalla l'a élevé au premier ciel. Subhanallah. Donc, barakallahu fik, akhi. Et ce que le frère Benyamin avait mentionné, Barakallofi, c'est que il y a cette contradiction-là qui est, donc qui se trouve chez les soufis, et chez les Asha'ira, qui te disent il n'est ni à droite, ni à gauche, ni en haut, ni en bas, c'est néant. Donc ils veulent dire que c'est le néant. Donc il y a une contradiction qui se font, et même eux, ils n'arrivent pas à sortir de cette contradiction. On a l'impression de trouver la contradiction qu'il y a dans la Trinité, parce qu'ils ne savent pas. 1 plus 1 plus 1, tous meurent, donc qui c'est qui contrôlait l'univers? Non, mais en fait, 1 plus 1 plus 1, ça fait 1, ça ne fait pas 3. Et, subhanallah, les gens, ils en sont confus. Non. Ouais. Pas besoin de monter le doigt alors s'il dit Allah est partout, subhanallah. Naam, Allah al-Musta'an. Tu dis ça, toi, même les awam, on parle des gens du corps. Naam. Mais c'est ça. Mais moi, ce que je crois, Allahu a'lam, c'est que ce sont des gens qui se forcent à se dire moi, je suis Ash'ari parce que ça le conforte dans certains aspects. Ash'ari, pourquoi ça le conforterait dans quoi dans certains aspects? Dans des choses de dunya. Ben, le Qardawi, il est Ash'ari. Ah ben oui, moi je suis le Qardawi. J'ai le droit, la première fois, oui, j'ai le droit de prendre un riba. C'est une fois, j'ai le droit, une fois. Comme d'accord, dis, subhanallah. Donc, non, mais c'est ça. Ce sont des gens qui ne connaissent pas. Ce sont des gens qui ne connaissent pas le din. Oui, on va bientôt arrêter, Inch'Allah. Naam, il est demi, ouais. Je vais juste terminer ce point-là, inshallah, sur ce point-là, et puis on va ensuite faire la salat, barakallahu fikum. Donc, وَيَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Donc, les preuves là, les preuves qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus, comme le nukta hadi, inshallah, barakallahu fikum. Donc, les preuves qu'Allah Azza wa Jal est au-dessus de toute la création, c'est clair ça, hein? Il n'y a pas d'ambiguïté. وَيَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: "Inna Allah lamma khalaqa al-khalq kataba kitaban wa huwa 'indahu fawq al-'arsh." Vous voyez, lorsqu'on lit un hadith, c'est pas juste venez mes frères, on va lire un hadith. Et on comprend pas le hadith lorsqu'on le lit. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a dit, lorsqu'Allah azza wa jalla a créé la création, l'a créé les créatures. Donc il a écrit un livre qui est auprès de lui au-dessus du trône. Ça c'est une preuve, vous voyez, dans le hadith qu'on lit que Allah Azza wa Jal est au-dessus de son trône, élevé au-dessus de son trône. D'accord ? Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lorsque Allah Azza wa Jal a créé la créature, je ne pense pas que tu vas le trouver, enfin Allah, je ne sais pas si tu vas le trouver en français, mais lorsque Allah a créé la créature, il a écrit un livre qui est auprès de lui, au-dessus du trône. Fi dhalika al-kitab ghalabat rahmati ghadabi aw sabaqatuhu. Il dit, c'est écrit donc que ma miséricorde précède, devance ma colère. Devance ma colère. Alhamdulillah. Il dit le cheikh, hadha al-kitab 'indahu fawq al-'arsh. Ce livre là qui est auprès d'Allah, il est au-dessus du trône. Donc c'est une preuve qu'Allah est au-dessus du trône, d'accord? Fallah subhanahu wa ta'ala, il est élevé au-dessus du trône. Fallah subhanahu wa ta'ala mawsouf bi annahu fawq al-'arsh, il est décrit comme étant au-dessus du trône. Al-'arsh akbar al-makhluqat. Le trône, c'est la plus grande des créatures. Naam. Saqf al-makhluqat, c'est le plafond de toutes les créatures. Le trône d'Allah Azza wa Jal, c'est le plafond de toute créature, des créatures. Ce qui est complètement au-dessus de toutes les créatures, c'est la créature qui est vraiment au sommet là, d'accord ? Au-dessus de tout. Et Allah Azza wa Jal est élevé au-dessus de tout. Au-dessus de toutes ces créatures. Fallahu fawqa dhalika bi dhatihi. Allah est au-dessus de... Allah est au-dessus, Azza wa Jal, de toutes les créatures. Il est au-dessus du trône avec son essence. D'accord ? Wa laysa muhtajan ila al-arsh. Et il n'a pas besoin du trône. D'accord ? Liannahu khalaqa al-arsh. بعد أن لم يكن عرش. Parce qu'Allah Azza wa Jal, c'est lui qui a créé le trône alors que il n'y avait pas de trône, il n'y était pas le trône. D'accord? Et Allah Azza wa Jal l'a créé. Donc Allah Azza wa Jal n'a pas besoin du trône. D'accord? Le trône c'est une créature, c'est Allah qui l'a créé. D'accord? فالله على ما كان عليه قبل أن يخلق العرش ولكنه فوق العرش لأنه لا يوجد فوق العرش شيء والعرش منتهى هذه المخلوقات في العلو. D'accord? On va s'arrêter là, inshallah. Donc il dit, le cheikh Mohammed Amaljami rahimahullah, il dit que Allah Azza wa Jal n'a pas besoin du trône. Il a créé le trône alors qu'avant il n'y avait pas de trône. C'est Allah Azza wa Jal qui l'a créé, il n'a pas besoin du trône. Mais le trône est la plus grande des créatures, qui est au-dessus de toutes les créatures, et c'est le plafond, en fait, des créatures, d'accord ? Et Allah Azza wa Jal est au-dessus de toutes ces créatures. Donc, il y a une contradiction, le trône comme s'il avait besoin. C'est un argument qu'il n'avait pas. Non, il n'en a pas besoin, faut dire, ouais. Oui, il n'en a pas besoin. Comme s'il était sur le trône, il était installé, ça veut dire qu'il a besoin. Non, on ne dit pas il est installé, justement. On dit il est élevé au-dessus. C'est l'argument qu'il donne. C'est ouais. Aussi, il nie la volonté d'Allah. Non. Si il n'y a pas la volonté, il n'y a pas le besoin. Non. Donc, il faut leur répondre à ceux-là qui disent cela. Donc, alors pourquoi Allah il nous a créés ? Allah il nous a créés pour qu'on l'adore. Ça ne veut pas dire qu'il nous a créés, ça veut dire qu'il a besoin de nous. C'est pas parce qu'il crée. L'istawa, c'est l'élèvement. L'istiwa, c'est l'élévation. Naam, c'est l'élévation. Donc, si Allah Azza wa Jalla nous a créé, il nous a ordonné, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Allah, il nous a créé, mais il n'a pas besoin de nous. Et il a créé le trône, il n'a pas besoin du trône. D'accord ? Mais le trône, c'est la plus grande des créatures qui est le plafond de toutes les créatures. Ça va être là, inshallah. Et on continuera, bi'idhnillah, la semaine prochaine. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.